de balles roses. Où mes mains emballaient des poses, des pépites sous l'eau qui dort. De télégraphe où le feu du délire aggrave le creux des lits où tu as chaud. Délicat où mon temps se passe à rêver en sursaut, torturé, solitaire, à rentrer sous terre à chaque soubresaut. J'aime ton corps de métier d'art. Amitié à l'arme, les canons pointés de ton œil, et tirant poulet rouge sur tout ce qui bouge et passerait. Près de ce corps de garde ferme qui jaloux me garde et m'enferme, mais qui me rend